hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Bonsoir, vous êtes sur FPP 106.3 avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc le programme La Jungle des Luttes, tous les troisièmes lundis du mois de 19h à 20h30. On est retransmis tous les jeudis matins pour les matinaux. Donc merci de nous écouter et merci d'avance à Xavier qui est là avec nous aujourd'hui, Edwin et Sotil qui est en retard, mais heureusement que FPP assure la technique pour nous. Donc on est là ce soir pour vous parler évidemment comme toujours un petit peu des apatistes et concrètement de l'expérience qu'a vécu Xavier puisque c'était la première fois qu'il allait au Chiapas, enfin au Mexique et au Chiapas. Donc cette année cet été il va nous en parler plus longuement. Là on va juste présenter un petit peu le programme de ce soir. On parlera ensuite de la question des expulsions très rapidement pour vous donner des informations sur ce qui se passe un petit peu donc au Chiapas puisque évidemment la répression dans tout le Mexique sévit et donc toujours au Chiapas. On parlera également de la question des prisonniers politiques, ça c'est récurrent mais on continuera jusqu'à la libération. Et on parlera également de San Juan Copala, puisqu'on en a déjà parlé. On en reparlera, puisque là, il y a un sorte de tournant qui s'opère. Il y a beaucoup de violence, mais en même temps, des propositions qui sont en train d'émerger, qui sans doute n'aboutiront toujours pas à une situation viable pour le municipios autonome. Mais en tous les cas, on va pouvoir vous en parler un petit peu. On parlera également de ce qui se passe à Montreuil et également aussi de ce qui se passe à Nantes et de la revue Z qui est sortie. Donc il y aura Edwin qui pourra nous en parler plus particulièrement. Sinon, si vous voulez prendre quelques dates pour le petit calepin, là on a un petit agenda avant de se retrouver puisqu'on ne se voit que tous les mois. Donc je vous annonce les petites dates. On a une rôtisserie rue Sainte-Marthe, métro Belleville, le 28 septembre. Donc c'est un mardi, ce sera en solidarité avec Radio Kewelga. Donc on vous invite nombreux à venir déguster notre repas qui sera donc fait par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, le CSPCL. Et puis nous organisons également une journée le 16 octobre au CICP, c'est un peu traditionnel. Donc là on va être tout l'après-midi quelques associations. Donc on est le CSIA évidemment avec qui on organise cette journée. Le CSPCL, il y aura également la coopérative Atanka qui aura des produits, la bière des faucheurs, des produits entre ici et là-bas, l'association qui s'occupe de distribuer l'artisanat des femmes palestiniennes. Et donc il y aura peut-être d'autres invités. Pour le moment, en tous les cas, c'est donc le 16 octobre au CICP. Dans l'après-midi et la soirée, il y aura un dîner qui sera en solidarité avec le CSIA qui avait besoin d'un petit soutien. Donc c'est le 16 octobre. Avant, on aura une petite rencontre avec les associations du 11e à la mairie. Donc on aura le stand avec du café, de l'artisanat zapatiste. Donc si vous voulez nous retrouver, c'est le gros trou sur la date. C'est le 2 octobre, samedi 2 octobre, à la mairie des 11e, rencontre des associations. Donc voilà, avant de commencer, on fait une petite pause musicale et on se retrouve après avec Xavier pour parler du Chiapas, juste avant Edwin. Rap mexicain. C'est parti, à tout de suite. De lo simple, Guadalajara, México en la casa. Manotas al micro, DJ Maxo produce. Díganles. Díganles que hoy día ya nadie sueña, porque no queda tiempo para fantasías cuando hay que cargar leña, ganarse el pan y pagar cuentas. No. Díganles que entre las deudas y las dudas, sí, solo me queda escribir rap caliente de mis realidades crudas, cuidarme siempre del beso de Judas y gritar fuerte las verdades mudas. Díganles que si son tantos los que caminan chueco es porque, para saber que no hay justicia, no hay que estudiar derecho. pecho. Díganles que ya sabemos que el camino al paraíso es un sendero estrecho, pero nacimos en las grandes avenidas entregadas al pecado, que en el infierno de los callejones es difícil encontrar razones para tener aspiraciones. Díganles que hay aspirantes a mafiosos que solo necesitan un calibre para sentirse todopoderosos. Díganles que mi visión no es pesimista ni alarmista, entonces tan solo tristemente realista. Crecí pensando que las cosas se resuelven si se hablan, pero el silencio nos rodea, pareciera que solo las paredes nos escuchan. Crecí pensando que las cosas se resuelven si se hablan, pero el silencio nos rodea, pareciera que solo las paredes nos escuchan. Díganles que en mi ciudad los vaqueros son estrellas como en Dallas, que llueven balas, que a los ángeles les cortan alas para pedir rescate como en las telenovelas. Díganle a Bush que pagará por tantos inocentes, tanta mentira y tantas muertes. Díganles que ya no creo en cuentos de hadas, que a los niños solo les importan las espadas y que les gustan más si están ensangrentadas. Díganles que aquí escuchamos cuando cantan las sirenas, pero que solo anuncian las patrullas y que no son submarinas. Díganles que aquí es más fácil conseguir perico que respeto, y que su corrupción ya no es secreto. Díganles que la miseria mata cuando el hambre asoma, que lo recuerden cuando le den pan a una paloma. Díganles también que el calor y el sol no son consuelo cuando la muerte cubre un ser querido con su velo. Ya lo creo. Crecí pensando que las cosas se resuelven si se hablan, pero el silencio nos rodea, pareciera que solo las paredes nos escuchan. Crecí pensando que las cosas se resuelven si se hablan, pero el silencio nos rodea, pareciera que solo las paredes nos escuchan. Díganles también. Díganles que no todo es tormenta, que brilla el sol cuando te toca ver a tu mamá contenta, que en los peores barrios los chamacos juegan, que son felices sin dinero y que los días soleados siempre llegan. Díganle a sus hijos que no todo es triste, díganles que Santa Claus existe, que si persisten ni los oráculos ni las dificultades son obstáculos. Crecí pensando que las cosas se resuelven si se hablan, pero el silencio nos rodea, pareciera que solo las paredes nos escuchan. Crecí pensando que las cosas se resuelven si se hablan, pero el silencio nos rodea, pareciera que solo las paredes nos escuchan. FPP, Fréquence Paris Pluriel, vous êtes dans la jungle des luttes avec le CSPCL, donc on est ensemble pour une petite heure et demie encore. Donc on commence avec Xavier qui va se présenter et qui lui-même donc, et qui était là cet été, enfin qui était là-bas cet été au Chiapas, qui a donc pu profiter d'une brigade européenne qui avait été organisée donc par les collectifs et groupes solidaires avec les apatistes. Donc on a déjà évoqué ce réseau qui essaye de travailler ensemble et de créer une sorte de synergie, si on peut dire. Je ne sais pas pourquoi je sors ce mot-là, ce n'est pas mon habitude. Bon, en tous les cas, qui essaye de faire des choses ensemble pour que la solidarité puisse avoir certaines cohérences et puisse aussi elle-même partager des expériences et profiter que les expériences des collectifs des pays européens puissent aussi servir aux autres, mais aussi nous donner la possibilité d'avoir des accès, des ancrages sur ce qui se passe dans les différents pays de l'Europe. Et donc, cette année, il y a 2 ans, on avait organisé une caravane, enfin, il y a une caravane qui avait été organisée, donc de grande ampleur, avec des gens qui ne connaissaient pas forcément le Chiapas, mais en tous les cas, qui venaient en nombre. Et donc, ça avait été difficile, mais on avait eu des expériences très enrichissantes. Là, cette année, ça a été la décision de faire un groupe avec des gens qui participaient plus directement au collectif. Et Xavier, qui est plutôt nouveau dans notre comité, est entré dans cette brigade avec une autre copine du comité. Donc, il va peut-être pouvoir nous en parler de ce qu'il a vécu, cette brigade qui a eu lieu pendant 15 jours et qui consistait à rencontrer les communautés zapatistes et qui, donc, elles, leur ont proposé de voir un certain nombre de choses et de discuter d'un certain nombre de choses. Et donc, voilà, on va laisser la parole à Xavier qui va peut-être nous confier ses premières impressions, puis avec le recul, ce que ça donne, etc., et quand ça mûrit. Et voilà, à toi, Xavier. Bonsoir. Bon, d'abord, je vais souligner une chose, C'est la chance que j'ai eue de pouvoir participer à cette brigade parce qu'effectivement, je n'appartenais pas au CSPCL et c'est vraiment par l'intermédiaire de mon syndicat, Sud Éducation, et d'une camarade qui en est membre ainsi que du CSPCL, que j'ai eu l'opportunité de me glisser dans cette brigade. Donc c'était vraiment une chance que je souligne encore aujourd'hui puisque je ne connaissais en fait du mouvement zapatiste que ce qu'en connaît n'importe quel militant, j'ai envie de dire ordinaire, qui s'informe à minima. Et j'avais malgré tout encore une représentation relativement stéréotypée du mouvement zapatiste, notamment celle d'une guérilla de type militaire, sur un modèle un petit peu guévariste, même s'il est vrai que cette guérilla avait su se démarquer d'un modèle dogmatique, ce que je savais malgré tout quand même, c'est un minimum, mais un petit peu le mythe de l'homme providentiel, Marcos, bon tout ça, c'était un petit peu l'image que je véhiculais du mouvement zapatiste, et quand je suis arrivé sur place, alors ça s'est effondré extrêmement rapidement, pour laisser la place à quelque chose qui m'a profondément enthousiasmé, je dois dire. D'abord, j'ai envie de dire que tout au long du séjour, il y a deux adjectifs qui m'ont marqué pour qualifier le mouvement zapatiste, et je n'arrête pas de les répéter depuis, c'est la détermination, déterminée et humble en termes d'adjectifs. C'est comme ça que je qualifierais les compas. Humble et déterminé. Alors déterminé parce que sur le point de développement acquis en 2010, au regard de la situation qui précédait le soulèvement armé de 1994, il est clair dans la tête de la plupart des zapatistes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger que les acquis ne peuvent pas être abandonnés. C'est inimaginable. On ne peut pas revenir en arrière. Aucune marche en arrière est concevable. Donc il y a cette détermination qui souligne qu'avant le soulèvement, la mortalité infantile, la mortalité des femmes en couche atteignait des degrés extrêmement élevés. Par exemple, en 1994, si ma mémoire est bonne, selon ce que disait un compas, un enfant né au Chiapas, dans les zones zapatistes, n'avait pas plus de 5 ans d'espérance de vie. Compas, c'est ce qu'on appelle un compagnon, compagnère. Oui, donc compas, c'est le diminutif. Non, juste pour entre nous, il n'y a pas de problème, compas. Voilà, le Chiapas, dans les mêmes zones, connaissait une situation d'analphabétisation massive. On était face à un État qui ne considérait pas nécessaire d'installer des structures d'éducation dans des zones occupées par des paysans indigènes déjà analphabètes et qui, selon eux, n'éprouvaient absolument pas le besoin d'avoir accès à l'alphabétisation. Donc on a l'impression que sur cette détermination, elle est portée par le sentiment d'avoir retrouvé une sorte de dignité, la dignité perdue d'un peuple depuis longtemps, trop longtemps humilié, à travers la restauration de... c'est pas le mot restauration d'ailleurs qui convient, l'accès enfin à des éléments de savoir, à des éléments de culture, à des éléments qui leur permettent de structurer leur lutte et de se structurer en tant que collectivité, c'est quelque part la restauration d'une identité bafouée. C'est un peu comme ça, du moins, que je l'ai ressenti. Avoir récupéré les terres aussi, hein, des terres dont le peuple indigène a été spolié, tant par la colonisation d'ailleurs que par les entreprises capitalistes qui s'en sont suivies. Pour tout ça, donc, l'idée de revenir en arrière est inimaginable. Et à plusieurs reprises, moi, ce qui m'a impressionné, c'est d'entendre plusieurs de ces compas nous déclarer mourir pour la terre, pas de problème. S'il le faut, on y est prêt. Bon, c'est vrai que vu de notre Europe, c'est assez impressionnant. Alors, ça, c'est l'aspect détermination. Et puis l'aspect humilité, parce qu'à aucun moment, ils réfutent même l'idée de se poser en modèle. Ils ne sont pas un modèle. Alors tout juste, ils vont accepter l'idée d'être un référent par rapport à la marche vers l'autonomie. Cette autonomie qu'ils définissent comme étant la solution politique au niveau planétaire. Mais cette marche vers l'autonomie, elle se réalise pour eux selon leurs critères, dans leur culture, dans leur univers, dans leur attachement à la Terre, dans leur attachement à un certain nombre de traditions. Ils sont bien conscients, que le modèle, avec des guillemets autour, donc zapatiste, n'est pas exportable. Que chaque expérience vers l'autonomie doit s'inscrire dans son propre contexte. Et qu'à ce titre-là, il appartient à tous et chacun de mener son expérience. Voilà, ça c'est pour les deux dimensions qui me sont restées fortement imprimées, ces deux visions de l'humilité, de la détermination des gens qui composent le mouvement zapatiste. C'est une belle vision, parce que je pense que c'est effectivement ce qu'on a souvent envie de dire, justement, c'est que c'est pas que des mots. C'est-à-dire qu'effectivement, les zapatistes, quand ils parlent de dignité et de peuple humble et de l'humilité qu'on doit avoir chaque jour, et quand bien même on réussit, il faut toujours avancer. Sur les deux mots, moi, il y a un autre. Et puis la question, c'est la résistance, c'est-à-dire justement cette capacité à résister et à pas du tout en faire une gloire, parce que justement, c'est non seulement très dur, mais en plus, il y a encore du chemin. Et ça, je pense que moi, quelque chose qui me frappe quand on voit les appétits, c'est qu'ils savent qu'ils travaillent sur la durée. Oui, oui, oui, tout à fait. Ouais. Ça aussi, ça se sent énormément. Et puis cette résistance, elle, là encore, elle s'impose comme, j'ai envie de dire, un non-choix. Il n'y a pas d'autre choix. Puisque de toute façon, revenir en arrière est inconcevable. Donc la seule voie possible est de résister. Et oui, ils sont déterminés, c'est, oui. C'est exactement ça. Ouais. Quant à ce qui est de l'avancée aussi, c'est assez remarquable d'entendre tous les discours qui s'articulent autour de cette avancée, et des discours pleins d'humilité là aussi. C'est-à-dire que ce que l'on a réalisé, et là je peux y revenir un petit peu plus tard sur ce que j'ai pu observer de réalisation, mais disent-ils, ce que l'on a réalisé est encore bien peu. Et il reste tellement à faire. Ça, c'est vraiment un leitmotiv qu'on entend pratiquement auprès de tous les interlocuteurs. Il reste encore tellement à faire. Et au vu de ce qui est déjà fait, bon, là, j'en reviens à mon appréciation. C'est vrai que j'ai été assez impressionné par la découverte d'un chemin accompli, hein, dans la construction de systèmes de santé, d'éducation, de communication, particulièrement puisque ce sont les domaines que l'on a le plus observés au cours de cette brigade. J'ai été réellement impressionné. Je ne pensais pas que ça recouvrait une telle dimension. D'ailleurs, la dimension est aussi quelque chose qui m'a impressionné, parce que dans ma vision du mouvement zapatiste, je ne réalisais pas que ça couvrait une telle superficie et que ça concernait une population de quelques 200 000 habitants, qui pour autant ne sont pas tous zapatistes, mais tous tombent sous sous le modèle organique zapatiste. Tous plus ou moins dépendent dans l'organisation même de la population et des zones de l'organisation administrative zapatiste. Et là, vous avez parcouru combien de zones, puisqu'il y a 5 zones zapatistes, enfin disons 5 caracoles, qui se divisent, disons des zones qui se divisent en caracoles, si on peut dire. Toi, tu as voyagé sur quelle partie en fait, puisque comme tu parlais d'expansion, enfin, d'étendue plutôt. On a eu la chance de pouvoir accéder aux 5 caracoles de l'ensemble des zones zapatistes. Du coup, tu as pu visiter les 5. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est une pas vision... Pas dans leur totalité, évidemment, puisque c'est des grands territoires. Bien sûr. Donc, ça a été surtout une vision, j'ai envie de dire, de l'organisation globale qui nous a été livrée par les camarades zapatistes des conseils de bon gouvernement. Et il y a une zone sur laquelle on a eu le temps et la chance de s'attarder un peu plus et d'accéder un peu plus aux communautés, c'est dans le caracol de la Garrucha, où là on a pu se rendre dans un village et rentrer en contact avec la population du dit village. Mais c'est vrai que la rapidité de la caravane n'a pas permis non plus de prendre des contacts tellement développés. Direct et de s'asseoir tranquillement. Oui, oui. Sur le terrain du développement de l'autonomie, je dois dire que la visite des hôpitaux dans les principales zones m'a considérablement impressionné. Je n'imaginais pas du tout que l'on arrivait aujourd'hui dans les zones zapatistes à couvrir autant de besoins. C'est-à-dire, les besoins sont pratiquement... Non, je ne vais pas dire tous couverts, ce n'est pas vrai, parce qu'au niveau de... Au chirurgical, il y a des... Dans certaines zones, la chirurgie légère est assurée. Oui, voilà. Mais il manque encore, il y a encore des manques hein, tout à fait évidents en termes de prise en charge des pathologies lourdes et de la chirurgie lourde. Mais pour le reste, les besoins de santé premiers sont assurés. Et non seulement assurés, mais ça mérite aussi d'être souligné, sont accessibles à l'ensemble des populations des zones, qu'ils soient zapatistes ou non. Donc ça, on l'a dit plusieurs fois, effectivement, on le répète, et c'est gratuit. Et donc la seule chose qu'un patient non zapatiste aurait à payer, ce serait des médicaments, si jamais il lui en était livré par les zapatistes. C'est moi juste... Alors là, il y a une petite nuance. Ça dépend, peut-être des caracoles. Oui, oui. Il y a des petites nuances d'une zone à l'autre. Hein. Oui, non, sans doute. Parce que, disons, je parle peut-être plus facilement du caracol de Morelia, où je vais plus régulièrement. Où ils se font un honneur de donner les consultations gratuites et de faire payer la médicamentation seulement. Ouais, c'est exact pour Morelia, ça je m'en souviens effectivement. Mais par exemple, dans d'autres zones comme la Garrucha, il y a les populations non zapatistes doivent s'acquitter d'une petite participation, mais qui reste infiniment inférieure à une consultation médicale dans le réseau ordinaire. Donc, d'une certaine manière, c'est quand même faciliter grandement la situation des populations locales, quelles qu'elles soient. Et alors, sur le terrain de l'éducation, là encore, c'est remarquable par le nombre de structures créées qui, là encore, ne couvrent pas l'ensemble des besoins, notamment en termes d'enseignement ou d'éducation, on préfère dire d'éducation secondaire. Là, il n'y a, je crois, que jusqu'à présent, deux zones qui l'ont réellement développée. il y a encore un travail de construction très important à faire. Et par contre, ce qui est aussi remarquable, c'est les principes fondateurs de cette éducation autonome. Alors, ces principes fondateurs, ils seraient très familiers aux tenants de l'éducation populaire. Là, c'est un petit peu en tant qu'enseignant que je m'exprime. C'est-à-dire, toute l'action pédagogique est centrée autour de l'enfant. L'enfant est le centre de toutes les actions, de tous les savoirs, de tous les apprentissages. C'est l'enfant lui-même qui doit être le principal bénéficiaire de toutes les actions qui s'organisent autour de lui. De ce point de vue-là, le principe étant posé, il n'y a aucun problème pour ce qui est de le partager. Je souhaiterais même que nos institutions s'en inspirent un peu plus, ce qui n'est pas tant le cas de notre éducation nationale. Mais enfin bon. Ce qui est très loin. Non, ce qui a été le cas d'un certain nombre de courants pédagogiques européens, mais qui sont, hélas, aujourd'hui plus tellement politiquement corrects. En revanche, j'ai... Au-delà des principes posés, qui me semblent vraiment très très salutaires, il m'a semblé, mais alors là je vais mettre tout un tas de conditionnels parce que les supports que j'ai eus pour évaluer ça sont vraiment très faibles, hein, c'est quelques travaux d'élèves, c'est quelques propos d'enseignants, mais il m'a semblé à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu de l'ordre de la contradiction entre les principes énoncés et les réalités pédagogiques telles que celles que j'ai pu observer. C'est-à-dire que l'enfant étant au centre du dispositif, comment peut-on, c'est une question que je pose, est tout à fait ouverte, hein, elle n'est pas empreinte de vérité, mais comment peut-on enseigner sur la base d'un modèle que l'on appelle frontal, le modèle magistral, le modèle frontal, qui semble être le modèle essentiel qui, d'après le peu que j'ai pu voir, semble relativement répandu. Alors là, la réponse, j'ai eu des éléments de réponse en discutant avec des camarades de l'éducation sur le terrain qui m'ont semblé mais vraiment d'une grande ouverture d'esprit par rapport à la possibilité d'un débat pédagogique et qui répondaient simplement « Pour le moment, nous avons construit selon les modèles que l'on connaissait. » Et malheureusement, en termes pédagogiques, il ne s'est pas présenté d'autres modèles et on sait dans l'urgence, parce que c'est vrai que la tâche était énorme, hein. On s'est contenté de reproduire les modèles dont on disposait. Bon, à partir de là, je sais qu'en tant qu'enseignant, il y a quelque chose qui m'intéresserait énormément, c'est de pouvoir développer un réseau de communication avec les camarades de l'éducation aux apatistes, l'éducation autonome, puisque je pense qu'un débat serait enrichissant de part et d'autre. On aurait beaucoup à nous ici, on aurait certainement beaucoup à prendre de leur conception même de l'éducation. Une éducation qui ne se limite pas aux portes de l'école. Ça, d'ailleurs, j'aurais pu commencer par là. C'est-à-dire que l'éducation, l'école n'est qu'un élément de l'éducation qui s'inscrit dans un processus de vie. On apprend tout au long d'une vie, disent-ils. Ce qui, de toute façon, est selon moi un principe évident. Bon, on aurait certainement beaucoup à prendre et nos conceptions de l'éducation nationale... Oui, enfin, je ne vais pas parler de l'éducation nationale parce que j'ai peu d'espoir dans sa réformabilité. Mais enfin, on aurait sans doute... à échanger avec eux sur le terrain des principes dans notre intérêt. Mais je pense que sur le terrain des modèles pédagogiques, il y aurait un véritable débat à mener pour peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis sûr de rien, mais mettre en concordance les principes fondateurs et les pratiques. Oui, moi je rajouterais bien deux, trois trucs pour juste resituer par rapport au travail, quand tu disais justement dans l'urgence. La question de l'urgence, c'était peut-être pas tant l'urgence que le fait de créer une vraie rupture. C'est-à-dire que quand les apatistes disent « on va créer des écoles autonomes », les ruptures qui se créent, c'est on va renvoyer les filles à l'école, par exemple. Donc quelque chose qui, au départ, était inconcevable dans les communautés indigènes. Donc, dans un premier temps, il n'y avait pas d'école, mais de toute façon, il n'était pas question, a priori, d'y envoyer les filles. Donc là, les écoles zapatistes ont d'office été mixtes, qui sont donc des efforts et des ruptures au niveau de chacune des familles dans les communautés, ce qui donne une place aux femmes dont on a souvent... mis en avant quand même la grande avancée. Je pense que ça, c'est l'une des réussites aussi sur la condition des femmes, même s'il y a encore toujours beaucoup de chemin à faire, etc., et que dans des zones, c'est à relativiser, puisque je pense que c'est un peu ça aussi, ce que tu rapportes, c'est que d'une zone à l'autre, il peut y avoir quand même, même s'il y a des principes de base, après, effectivement, au niveau de la réalisation, de l'expérimentation, de l'autonomie, il y a des niveaux... qui s'atteignent selon les zones, c'est plus ou moins important. Et je pense que sur la question aussi du fait de pouvoir adapter l'éducation au mode paysan et au mode indigène avec la question des langues, c'est-à-dire l'enseignement proposé, qui était rarement proposé, mais qui était proposé, c'était forcément en espagnol. Là, l'école s'attache à parler en espagnol, mais aussi à parler en langue indigène, parfois plusieurs langues, puisque certaines zones, il y a plusieurs langues. Donc, parfois, c'est qu'en espagnol, parfois, c'est qu'en langue maternelle. Donc, ça, c'est aussi selon les zones, selon le promoteur d'éducation aussi, puisque ça dépend aussi de la personne en charge. Et sur la question, justement, de la reproduction, c'est effectivement... ceux qui sont allés à l'école et qui sont zapatistes ont reproduit le modèle, et ceux qui sont venus de façon solidaire apporter une formation ont eux aussi ce même modèle du rapport maître-élève, d'une sorte de discipline, assis, la table, les unes derrière les autres, etc. Donc c'est vrai qu'on n'est pas vraiment en train de créer une nouvelle modalité d'enseignement, mais je pense qu'il y a tout un cadre et une école qui a un autre sens, quoi qu'il arrive, comme tu le soulignais de toute façon. Donc ouais, c'était juste pour dire les premiers pas, c'était déjà des ruptures au niveau des communautés. Et je pense qu'effectivement, maintenant, ce qui est intéressant au niveau de la solidarité, c'est de pouvoir, comme souvent on le propose, enfin où on a l'occasion de le dire, c'est que si les gens vont sur place, l'idée, c'est de pouvoir peut-être prendre du temps pour pouvoir se consacrer à différents projets selon nos envies ou nos capacités ou nos savoirs ou nos échanges. Je voulais rajouter, je sais qu'il y a des... Deux trucs, c'est entre les zones, c'est vachement différent. La manière dont ça s'est construit, etc. Même il y a des zones qui le font, qui ont fait les choses en critiquant ce qui se faisait dans d'autres zones. Donc c'est c'est assez différent, c'est assez divers et tout. Et des fois, quand même, il y a des réflexions qui ont pris du temps, de mettre en place dans différentes zones des structures particulières, justement, que ce soit dans la région d'Oventi, qui l'ont fait à leur manière, dans la région de Morelia, par exemple, il y a énormément de débats chez ce qu'on avait des copains qui étaient. Qui les connaissaient, qui aidaient un peu sur la question des manuels scolaires, etc. Et par exemple, dans la région de Morelia, c'était un débat qui a duré des années, parce qu'il y avait la question de lutter contre l'uniformisation, par exemple. Et donc. Chaque zone voulait pas. La question c'était quelle langue indienne ils employaient, par exemple quel tseltal ils employaient pour les manuels et qu'est-ce qu'ils mettaient dans les manuels, etc. Et donc au fil des discussions, finalement, il s'est décidé qu'il y aurait un manuel par commune autonome, quoi, avec les versions de tseltal de chaque commune autonome. Ça veut dire là, par exemple, du coup, ça fait qu'ils ont dû faire 8 manuels scolaires. Et suivant les communes autonomes, les manuels, ils n'étaient pas pareils parce que chacune, elle voulait mettre en avant aussi ses éléments, sa manière de parler, leur truc, quoi. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant quand même de souligner, quoi. C'est qu'il n'y a pas un modèle qui est appliqué partout. Il y a plusieurs régions qui mettent en place des modèles qui ne sont pas les mêmes et qui évoluent. Et dans lequel il y a des interactions énormes avec des internationaux. Enfin, je sais qu'en Grèce, enfin, par exemple, dans la région de la Garoucha, il y a eu beaucoup d'échanges avec la Grèce, dans d'autres régions avec le mouvement des sans-terres, etc. Donc c'est un truc qui est assez mouvant quand même. C'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est assez riche et assez mouvant. Mais sur la capacité des apatistes à justement tenter des choses et à pouvoir reconnaître que peut-être ils se trompent ou que la voie n'est pas là, par exemple, à Morelia, il y a eu une école justement qui a été qui était type universitaire, c'est-à-dire qu'il y avait une formation professionnelle sur la question de la santé. Donc c'était des jeunes qui donc avaient passé le stade de la primaire et de la secondaire, si on peut dire, et qui donc avaient été... dans cette école où il y avait 80 élèves de la zone de Morelia qui étaient là pour une formation de 3 ans sur la question de la santé et qui donc avaient des facilitateurs, comme ça s'appelait, donc pas des promoteurs, puisque le promoteur, c'est un peu le terme qui a été utilisé pour les écoles, si on peut dire. Et là, ça a été des facilitateurs, puisque a priori, il y avait une prise en charge des élèves eux-mêmes. Et donc là, il y a eu une super belle tentative où justement, il y avait une relation, une construction des cours ou du contenu du cours avec les élèves eux-mêmes qui préparaient, etc., avec les facilitateurs. Donc, il y avait une belle expérience qui a échoué au jour d'aujourd'hui pour un certain nombre de raisons, ça vaut pas le coup de les évoquer, d'autant que j'ai pas tous les éléments. Mais en tous les cas, voilà, cette école a été fermée, elle a eu une première expérience, un premier cycle. Ils y mettaient beaucoup d'espoir, c'était un peu comme leur université. Ça a échoué parce que voilà, il y a un certain nombre de modalités qu'ils n'avaient peut-être pas prises en compte. Le fait que les élèves soient en internat très très loin de chez eux, puisque c'était dans une zone et le caracol est grand, etc. Donc un certain nombre de données qui montrent en tous les cas la capacité des apatistes à pouvoir tenter des choses. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement peut-être quelque chose à proposer, à travailler avec eux, plutôt que proposer d'ailleurs, plutôt à travailler, parce que nous-mêmes, on n'a pas de modèle véritablement, ce serait que de la théorie de toute façon, enfin même s'il y a quand même quelques... si en réalité, puisque on a du mal à exporter des modèles, je veux dire, tu vois, c'est-à-dire que même s'il y a des expériences qu'on réussit, comment on va réussir une expérience qui a réussi quelque part avec d'autres gens, d'autres contextes, etc. C'est en ça que je dis qu'il faut inventer par rapport aux apatistes qu'ont des réalités, ouais. Si tu veux, il y a la question de... ils sont en guerre aussi, ils sont... Et donc des dimensions qui parfois, effectivement, d'un jour à l'autre, pour des raisons politiques, les écoles peuvent être fermées pendant 6 mois, comme ça a été le cas à l'époque de l'alerte rouge en 2006, quand il y a la répression d'Atenco. L'alerte rouge n'a pas duré 6 mois, mais plus de 3 mois, de juin à novembre, donc ça a fait plusieurs mois où effectivement plus rien ne fonctionnait. Donc ça, il faut pouvoir le prendre en compte, et en termes de projet, c'est toujours très compliqué. C'est souvent, par exemple, des reproches qu'on peut faire, qui en même temps sont des contraintes auxquelles... on ne peut pas parer facilement. On te redonne la parole, Xavier. Ça y est, on s'est exprimé, là, maintenant, on te la redonne. Oui, alors, moi, je trouvais que si on mesure effectivement le chemin parcouru, et je ne veux pas reprendre tout ce que vous avez dit, mais c'est considérable. Alors, il est considérable d'avoir pris en compte la réalité linguistique de l'enfant. L'enfant, on le prend tel qu'il est, tel qu'il arrive à l'école, dans sa langue maternelle, et ça a dû, j'imagine, nécessiter un travail énorme. Un travail énorme en termes de formation de promoteurs, en termes de recherche des compétences, compte tenu en plus de la diversité des langues indigènes pratiquées sur les différentes zones. La scolarité des filles, comme ça a été évoqué également, c'était un défi énorme auquel qu'ils ont relevé. Qu'ils ont tout à fait relevé, et la scolarisation des enfants dans les zones apatistes est aujourd'hui massive, et pour ne pas dire totale. Je ne sais pas, je ne me prononcerai pas sur le côté totalement intégral, mais on ne doit pas en être loin. Quand il y a une école, en général, oui. Ils y vont. Parfois, les écoles sont fréquentées, qui plus est, on peut même remarquer qu'elles sont fréquentées avec plaisir. Donc jusque-là, c'est plutôt drôlement bien comme constat. Alors après, il reste vrai que quelles que soient les pressions, hélas, une fois de plus, c'est en tant qu'enseignant que je me prononce. Hein. Quelles que soient les pressions auxquelles on est soumise, et Edwin donnait tout à l'heure l'exemple des manuels. Mais se pose-t-on la question de la pertinence du manuel ? Et ça, effectivement, c'est une question qui n'est pas posée. C'est-à-dire que le manuel, il va répondre à la réalité de la diversité linguistique. Et de ce point de vue-là, son utilité peut être considérée comme première. Maintenant, il y a quand même une chose que je note pédagogiquement, il y a l'unanimité autour du choix de la pédagogie du manuel. Or, c'est là qu'intervient ma critique pédagogique. C'est-à-dire que le manuel, c'est une construction méthodologique qui correspond à une méthode énoncée. Tout manuel entre dans une méthodologie. À partir de là, ça signifie qu'on a opté pour une méthodologie. Et je pense notamment à l'apprentissage de la lecture. Ce n'est pas le lieu du débat, je sais bien, mais j'y ai très longtemps travaillé. Et ce que j'ai observé au Chiapas, c'est-à-dire un mode d'apprentissage de la lecture de nature syllabo-phonétique, c'est-à-dire on fait du B.A.B.A., je reste, et là c'est en tant que pédagogue que je m'exprime, convaincu que ce n'est pas un mode d'apprentissage, disons que ce n'est pas le mode d'apprentissage le plus intelligent de la lecture. Ça c'est une conviction fortement ancrée, et je pense que de ce point de vue là le débat peut exister. Et je répète, ça c'est le côté extrêmement positif de ce que j'ai ressenti, c'est, comme le disait Virginie il y a un instant, la capacité qu'ont les promoteurs et les compas sympathistes d'interroger leurs propres initiatives et de s'interroger sur la pertinence de ce qu'ils ont mis en œuvre ou non. Je ne prétends pas, là, pour le coup, porter une critique fondamentale, c'est pas ça, hein. Mais j'interroge simplement ce qui m'apparaît comme une contradiction, c'est-à-dire que lorsque l'on déclare l'enfant au centre, lorsque l'on déclare que l'apprentissage ne peut se réaliser sur la contrainte, l'apprentissage, donc, ne peut supporter ni la contrainte ni la sanction, à partir de là, comment est-ce qu'il est logique de l'inscrire dans une stricte méthodologie ? C'est vraiment la question que je pose. Ouais, d'autant que effectivement, c'est pas résolu dans les écoles, puisqu'il y a quand même parfois des punitions, et puis il y a quand même, enfin, on reproduit quand même le modèle maître-élève comme. Mais ce sont les principes affirmés par les compasses promoteurs d'éducation. L'apprentissage ne s'inscrit ni sous la contrainte ni par la sanction. On fait une petite pause musicale et on finit avec toi après au retour. Tu as présenté le morceau. On est dans des sessions. Bon, c'est pas mexicain là, c'est anti. C'est une alliance Puerto Rico-Cuba contre les présidents des pays respectifs. Ça veut dire les États-Unis et Castro. Ándale. Quédate callado. El 26 Musa niño. El Piba. Si casa tu internet. Otra vez de aquí para allá, línea directa. Fuerza amor, que pa' lucha, M3 se nos conecta. Por esa 10-20, 7 de abril 2009. Colaboración de corazón, las millas no interceden. Intercede una razón. Evolución se puede. Con Diflón, cabrón del millón, no caeremos en tus redes. ¿Sabes qué sucede? Que ya somos millonarios, no sobra actitud. El Royal 10, el puño arriba de los barrios. Contrario a la marea corrupta, la receta. Abajo todos los presidentes del planeta justo. Están en gusto haciendo leyes como reyes calle. Y hayan solución para pobres que mueren de hambre en la calle. Detalle, somos la voz de los de abajo, su sentir, su luz. La ira en el zapato que debió darle en la cara a Bush. Escucha Marvel, que ansía ampliar su hegemonía. Rebeldía, boricua está ahí, la América respira. Sabía, como Luis Díaz, firmeza por lloro. Manteniendo el tráfico pesado como allá en Puertorro. Aquí no hay forro, estamos. Es compromiso con la conciencia, los cojones y todo lo que amamos. Vamos, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya Babilón. No se encalla ni falla, cruza la raya y es tu firma, amor. Se batalla con convicción, devoción probada. Nuestra espada es la fe sin límite, como espada mojada. Nada de listas de hit cero, cero. El XMC, 7-9, bien, y bien batista, aquí somos guerreros. Siempre sinceros, sin pero al equipo bien. Si se agota el tintero, la sangre manchará el papel. Tropel de rimas se avecina sin estar. ¿Y mi Cuba? ¿Dónde está? ¿Y mi Borinque? ¿Dónde está? Traemos verdad que Latinoamérica vibre. Sangre guerrera, que vivan Cuba y Puerto Rico libres. Un billón de kilos de apoyo para los de gueto. 7 universos de amor y 9 de respeto. Para el que aceptó el reto de hacerlo de esta manera. Real, comprometida, sincera. Sangre guerrera. 7 toneladas de valor, 9 de fuerza. Un billón de pagas de amistad. Que cree que lucha por ser libre si vale la pena. Para todo el que lleva en su pena. Sangre guerrera. Por la encendida calle antillana. Ja. El que retumba está Quimbamba. Coge un pasaje de la bomba hasta la zamba. Por nuestras costas se te queman las espaldas. Somos el fuego, el mismo sol nos abraza. Son las estrellas las que nos llenan la panza. Somos el rayo que con la maleza arrasa. Y a la masa se le pasa en el tema de la raza. Se le olvidan que las pasas se les rizan desde casa. Y se atrasa, se retrasa, nos reprimen y rechaza. Pero tanto da la gota que la copa se derrama. Nos faltan caballeros pero nos sobran las damas. Mucho tiro, mucho plomo y no se acaban las balas. Tanto brillo y tanto oro y no te lavas la cara. Tanta ira, tanto odio por algo que tanto ama. Tanto miras para arriba si el de abajo te reclama. Jugando la lotería no alimentas a tu chama. Vamos, sigue trabajando que esto es hasta mañana. Pa'lante y pa'lante no se te quiten las ganas. Gente bien humilde pero brava. Mi frente bien en alto y bien sudada. Bien sudada de Santurce hasta La Habana. Somos un pueblo que se levanta bien tempranito en la mañana. Una aldea de respeto a quien siembra la conciencia. Un mundo lleno de virtud y resistencia. En el Caribe sudamos sangre y candela. Y no hay embargo que nos apague la vela. No habrán gobiernos ni cobardes en la tierra que nuestra historia quieran convertir en mierda. Somos los hijos de la rumba y de la ceiba. Somos orichas, ya rompimos las cadenas. Somos los indios que apuntaron con su flecha a los tiranos que robaban su cosecha. De nuestros brazos podrán cortarnos las venas. Se harán ríos de nuestra sangre guerrera que reclama nuestro ancestro, sangre guerrera de montaña y de cemento, sangre guerrera de lucha y revolución, sangre guerrera de sueño y educación, sangre guerrera de clase trabajadora, de rap protesta, comisión depuradora, sangre guerrera que aborrece la censura, sangre guerrera desde Puerto Rico y Cuba. El B 79. Alto en la música, Habana, Santurce, El Puente, M13, se puede, una papi. Una aldea de respeto a quien siembra la conciencia, un mundo lleno de virtud y resistencia. En el Caribe sudamos sangre y candela, y no hay embargo que nos apague la vela. No habrán gobiernos ni cobardes en la tierra que nuestra historia quieran convertir en mierda. Somos los hijos de la rumba y de la ceiba. Somos orichas, ya rompimos las cadenas. Somos los indios que apuntaron con su flecha a los tiranos que robaban su cosecha. De nuestros brazos podrán cortarnos las venas y se harán ríos de nuestra sangre guerrera. Vous êtes dans la jungle des luttes avec le CSPCL, donc on est encore ensemble 50 minutes et on continue pour finir avec Xavier. On poursuivra avec d'autres thèmes par la suite. Donc Xavier qui était revenu du Chiapas, puisque enfin bon, il y a quelques temps déjà, mais qui nous racontait donc sa première expérience sur les territoires apatites. Donc on a pas mal parlé de l'éducation puisque c'est un thème qui lui est cher. Donc on te laisse terminer, Xavier. Bah, au-delà de l'éducation, autre chose qui m'a vraiment marqué et également impressionné, c'est le degré de démocratie directe qui semble caractériser les zones apatistes. Alors par l'organisation des conseils de bon gouvernement, leur caractère révocable, le fait qu'on ne puisse pas enchaîner de mandats, le fait qu'il y ait une rotation des équipes en charge, et que cette organisation se répercute à tous les mouvements, à toutes les échelles géographiques des zones apatistes, c'était la première fois, il me semble, enfin pour moi, c'était la toute première fois que je me trouvais face à un modèle au plus proche de ce que je considère être une démocratie directe. Donc ça, c'est franchement une expérience très, très particulièrement enrichissante pour moi, la démonstration que ça peut fonctionner. Ça peut encore être sujet probablement à des améliorations, mais ça fonctionne indépendamment de toute lutte de pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui m'a séduit, qui m'a vraiment profondément séduit. Alors après, il y a aussi, peut-être je terminerai là, le fait qu'il saute aux yeux que le mouvement zapatiste est en but à une véritable logique contre-insurrectionnelle qui s'articule sur différents axes et que la volonté, j'ai presque envie de dire, de le liquider est bien présente. Hein. Et de ce point de vue, il est en danger et les solidarités seraient sans doute plus que nécessaires. Alors les pressions sont multiples. Il y a les pressions qui s'exercent au niveau de tant de l'État fédéral que de l'État du Chiapas sous la forme de finances distribuées dans des projets tous plus ou moins soit superficiels, soit ineptes, mais dont le but essentiel est de détacher les populations de l'influence zapatiste. Sachant qu'une fois acceptés des financements publics, on se retire nécessairement du mouvement. Donc cette politique de corne d'abondance sur des projets qui la plupart du temps n'en valent pas la peine, son sens politique est évident. Il y a les agressions directes des paramilitaires qui se multiplient, si j'ai bien compris, et de caractère vraiment violent. Il y a la pression de l'armée. Alors une armée avec un degré de militarisation du Chiapas, je crois, très très fort. Puisqu'il y a 70 000 soldats hein, sur le Chiapas, ce sont depuis 16 ans déjà. Oui. Donc à l'époque, c'était les trois quarts de l'effectif de l'armée mexicaine à l'époque. Donc je ne sais si l'effectif de l'armée a augmenté. En tous les cas, a priori, il y a toujours plus ou moins le même. Enfin, plus de 60 000 de militaires en tous les cas quand ça classe. Enfin, en tout cas, c'est militarisé. Le nombre, c'est ça. Il y a des checkpoints, il y a des bases régulièrement sur toutes les routes, près de toutes les communautés. Ça, c'est... Ah oui, mais c'est... Il y a des villes contre-insurrectionnelles qui sont... Ça, c'est un peu... C'est pas la Palestine, mais c'est quand même assez proche, quoi, en termes de contrôle sur les routes, etc. Ah oui, mais non, c'est aussi impressionnant. Ce qui avait cessé un temps. C'est-à-dire que là, il y a une recrudescence de la présence militaire. Ce qu'il n'y avait pas il y a 4 ans, 5 ans, il y a depuis 2 ans... Il y a quand même beaucoup plus effectivement de présence, visible et puis de manifestations concrètes aussi. Ouais, j'ai bien sûr pas de point de comparaison puisque c'était mon premier voyage, mais c'est vrai que le nombre de barrages de l'armée, le nombre de camps militaires qui nous ont été indiqués le long des routes, c'est assez fou. Hein. La question du narcotrafic n'est pas étrangère. Il y a beaucoup de prétextes pour pouvoir toujours plus sortir les militaires. Trouve... Certains Mexicains, et pas forcément tous zapatistes d'ailleurs, s'interrogent d'ailleurs sur l'émergence d'un plan qui serait un petit peu à mettre en rapport avec le plan Colombie qui s'était développé dans ce pays, où l'armée, sous prétexte de lutte contre le narcotrafic, avait servi aussi d'élément d'éradication des guérillas ou des oppositions. Mmh. Notamment le Caracol où on a passé quelques temps, là, la Garrocha, il y avait quotidiennement des patrouilles de l'armée qui se présentaient à la limite du Caracol, armées d'appareils photo, de caméras. Donc tout visiteur est exposé à être photographié, filmé, d'où la recommandation de sourire, mais bon. Et puis, qu'est-ce que l'on peut dire encore sur ces... Ah oui, il y a aussi l'Église qui joue un rôle, l'Église instituée, les autorités de l'Église. Parce que malgré tout, il y a aussi une frange de l'Église catholique, essentiellement animée par la théologie de la libération, je pense, qui soutient fermement le mouvement zapatiste. Mais il y a les autorités de l'Église qui, comment dire, assimilent l'état de rébellion à l'état de péché. Donc surtout, ne vous damnez pas en devenant zapatiste. Bon, je pense que j'ai dû faire le tour à peu près des éléments qui permettent l'articulation, qui donnent l'impression d'être un plan concerté, un plan contre-insurrectionnel concerté. Alors pour conclure, moi je dirais que l'état de séduction qu'a exercé sur moi la réalité zapatiste fait que je rejoins le CSPCL aujourd'hui et j'envisage de retourner au Mexique et de tenter de sensibiliser certains de mes camarades de Sud-Éducation au dialogue qui peut s'engager avec l'éducation autonome. Ben merci Xavier d'être là. On propose également aux autres personnes qui seraient intéressées par ce qui se passe au Chiapas de rejoindre nos assemblées ouvertes. Je le rappelle, donc tous les mercredis à 20h30 au 33 rue des Vignoles, donc dans le 20e, dans les locaux de la CNT. Donc on s'y réunit tous les mercredis. C'est ouvert, vous pouvez avoir des informations. Et sinon, on a un site qui est le cspcl.uvato.org sur lequel vous avez de l'information et éventuellement les dates où on peut éventuellement nous rencontrer. Merci Xavier. On continue peut-être un petit peu sur le Chiapas tant qu'on y est, puisque il y a sûrement plein d'informations à donner sur le Chiapas, mais il y en avait une qu'on voulait passer là maintenant. Ouais, et puis c'est un peu dans la continuité, un peu sur l'éducation d'ailleurs, si ça peut être relayé, c'est peut-être assez bien. C'est justement parmi les multiples pressions, répressions qu'il y a régulièrement dans les différentes zones zapatistes, là, il y a un cas qui est assez grave là, de la semaine dernière, où en fait, justement, suite à la construction d'une école autonome dans la zone de Morelia, dans une zone qui s'appelle la zone de la municipalité de Chilón, qui est donc tenue en main par surtout des commerçants de café, une bourgeoisie du café, etc., où il y a pas mal de répression de manière générale, et où les organisations paysannes liées soit aux paramilitaires du PRI, soit au gouvernement du Chiapas, donc qui est PRD, soi-disant de gauche, même s'il n'en a pas du tout les caractéristiques. Mais en tout cas, voilà. Donc dans cette zone-là, en fait, les zapatistes qui avaient commencé à construire une école autonome ont été chassés. Une communauté qui s'appelle Pomala, donc avec des gens qui ont été arrêtés, des leaders qui ont été arrêtés, qui ont été mis en taule. Je crois qu'il y a des pressions. Bref, il y a toute une lutte pour leur libération qui a été faite. Je ne sais pas s'ils sont sortis. En tout cas, il y a aussi 170 personnes de la communauté zapatiste de la zone qui ont été expulsées. Et donc, qui ont été expulsées de la zone suite à ce conflit-là, donc chassées par des mobilisations de plusieurs centaines de personnes, donc à la fois des organisations paysannes liées au PRI et au PRD, qui est à la tête du Chiapas, et en solidarité avec pour dénoncer cette situation. Il y a des mobilisations en cours au Mexique, notamment il y a des routes qui ont été coupées, notamment sur la côte du Chiapas, etc., en solidarité pour demander le retour des personnes, des zapatistes expulsés de la région. Il y a aussi une manifestation sur le siège du PRD à Mexico, qui est préparée par l'autre campagne pour dénoncer ça et demander en fait organiser le retour des expulsés zapatistes sur place. Donc bon, bien se rendre compte qu'à chaque fois, en fait aussi que l'autonomie se met en place, que ça soit sur des programmes d'éducation, que ça soit sur des coopératives de café, que ce soit sur la création de justement de d'un fonctionnement autonome, c'est toujours, c'est souvent conflictuel. Enfin, ça peut souvent l'être parce que justement il y a cette pression de contre-insurrection, etc. Et donc c'est toujours extrêmement dur, quoi. Voilà, notamment bah, pour des histoires de terres où le gouvernement donne la possession juridique de terres qui ont été envahies par les zapatistes à d'autres groupes indigènes liés au gouvernement, etc., etc. Donc c'est toujours dans ce cadre-là, et donc voilà, c'est à relayer. Par exemple, là, ce cas-là, ça s'il pouvait être relayé dans les réseaux militants éducatifs, ça, c'est bien aussi, parce que du coup, bah, c'est aussi la possibilité de mettre en place une éducation autonome qui est là, qui a été criminalisé avec et pire que ça, donc des gens qui ont été expulsés de leur territoire. Voilà. On va pas faire beaucoup de pauses musicales parce qu'on avait envie de parler plein de choses aujourd'hui, donc on va enchaîner sans transition avec la question des prisonniers politiques. Donc il y en a par dizaines au Mexique. Il y a des disparus, il y a des prisonniers politiques, et il y a tout précisément le cas de Victor Govea, qui est donc un prisonnier de la Otra Campaña. Et donc on a nos copains, les trois passants qui nous ont préparé une petite capsule qu'on va vous passer. Je lirai ensuite un texte du comité pour la liberté de Victor qui a été écrit récemment. Donc on passe. Liberté, liberté, à los presos por luchar. Without the struggle, there is nothing. There really is nothing. So we struggle on. El movimiento popular es perseguido sistemáticamente. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. La Otra Campaña ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, todos, todos, todos. Depuis septembre 2008 a été lancée la campagne nationale et internationale Primero nuestros presos. Le message de cette campagne est que chaque compagne et compagnon qui est emprisonné ne sera pas abandonné. En solidarité contre l'oubli des prisonnières et prisonniers de notre campagne, nous vous présenterons leurs histoires, leurs luttes, leurs expériences, leurs combats et leurs voix. Victor Herrera Jovea. Prison Sud, District Fédéral, Mexico. Victor est adhérent de l'Otra Campaña. Il fait partie du groupe Gritos de Rabia Callejera, Cris de rage de la rue. Il a participé au piquet des protestations devant la prison de Molino de las Flores pour soutenir les prisonniers d'Atenco. Il est aussi membre d'un projet d'agriculture urbaine pour la autosuffisance alimentaire, pour la autogestion en général. Victor a été arrêté le 2 octobre 2009. Voici le témoignage de Victor. Il s'agit d'une arrestation arbitraire. En sortant de la manifestation commémorant les 41 ans du massacre des étudiants par les militaires de Gustavo Díaz Ordaz, cette manifestation qui venait de la place des Trois Cultures. Ils ont positionné 4 haies de CRS au milieu des manifestants. Nous avons été encerclés de manière violente vers l'esplanade de l'immeuble. Nous avons été agressés par toutes les lignes de CRS. Pendant que nous reculions, j'ai essayé de sortir un compagnon d'une masse de CRS qui était en train de le frapper au visage. Plusieurs policiers m'ont alors attrapé et ont commencé à me frapper. Après cela, ils m'ont emmené à l'aide de plusieurs policiers. Je n'ai pu les compter, mais ils étaient environ 45. Ils me disaient « on va niquer ta mère » plus de 5 fois pendant qu'ils me piétinaient les bras et le dos. Ils m'ont pris la tête et l'un d'eux a dit « frappe-le à la bouche ». J'ai caché ma tête dans mes bras un moment, mais ils m'ont fait une clé de bras, puis de plus en plus de coups de poing au niveau de la bouche et du nez. À la fin, ils m'ont amené attaché avec d'autres compagnons. Un DCRS, en me désignant, a dit « celui-là, on le retabasse ?» Quand une personne avec une caméra est arrivée et a dit « non, vous ne pouvez plus le toucher à nouveau. » On a déjà enregistré toutes les preuves. Au final, seul un policier m'a amené par le bras. J'ai pu me libérer, j'ai continué à marcher jusqu'au Zocalo. En revenant de la marche entre deux jardinières, il y avait une opération de la police judiciaire. Passant à moins d'un mètre d'eux, du sang a coulé de mon visage, ce qui a entraîné l'agression d'un policier contre moi. Au début, il voulait me brûler le visage avec une cigarette. Tout de suite, l'ensemble des agents viennent sur moi et me plongent ma tête dans une jardinière et me frappent à la nuque. Puis en traversant l'avenue, j'ai vu qu'ils amenaient de la même façon violente un mineur. Ils nous ont fait monter dans une Stratus noire et nous avons été mis à disposition de l'agence numéro 50 du ministère public. Nous avons passé quasiment deux jours. Les délits que l'on nous attribue ont été fabriqués. Moi et trois autres compagnons, nous avons été accusés de vol en bande aggravée et de dommages à la propriété privée. Puis ils nous ont transférés à la prison sud. Victor attend toujours la fin de son procès dans cette prison. Pour plus d'informations sur les prisonniers de l'autre campagne, vous pouvez vous connecter à libérons-les.wordpress.com. Libérons-les sans accent ni espace. Libérons-les.wordpress.com. Donc, on remercie les copains des trois passants pour ce qu'ils nous ont préparé. Et ils nous ont donc donné également le tract qui a été traduit en français, qui a été distribué dernièrement aux petites manifestations qu'on a faites devant le centre culturel et au 15 septembre, jour du bicentenaire de la révolution, de l'indépendance, pardon, bicentenaire de l'indépendance du Mexique, où il y avait une petite fête. Ouais, c'est ça, mais c'était pas celle qu'on espérait. Et donc, on a pu distribuer également ce tract. Ah, ben non, finalement, il n'y était pas ce tract, mais c'est pas grave. Donc, je vous lis ce tract. Mexico, répression du meeting pour la libération de Victor Gobea. Aujourd'hui, 8 septembre 2010, a eu lieu en face des bureaux du gouvernement du district fédéral, ville de Mexico, le cinquième meeting pour exiger la rapide libération de Victor Herrera Gobea. Après le meeting, auquel participèrent plusieurs groupes militants et culturels, à 13h30 environ, 100 manifestants ont marché en direction du tribunal supérieur de justice. En arrivant, une commission est entrée pour remettre un communiqué. Cette commission a été reçue par le secrétaire technique du Conseil général de la justice, Alfredo Alvarez, qui représentait le président du tribunal supérieur de justice du district fédéral et qui s'est engagé à nous donner une date de rendez-vous avec le président. Environ une heure après que la commission soit sortie, nous avons été encerclés par des policiers anti-émeutes du district fédéral qui, bien que la manifestation soit pacifique, nous ont poussés avec leurs boucliers vers le trottoir. Plusieurs personnes ont été frappées, une compañera a été blessée au nez, ils ont essayé de prendre la guitare d'un musicien. Lorsque certains ont essayé de sortir de l'encerclement policier, ils ont aussi été matraqués. Il y a eu plusieurs agressions verbales et physiques de la part des policiers. Des phrases telles que « sale vieille, si tu avais un peu de dignité, tu serais à la maison à faire le ménage » ont été entendues. Ensuite, la dépanneuse de la police nous a volé le véhicule de sonorisation. En essayant de l'en empêcher, une compañera qui s'était allongée a été traînée au sol par la police. Quelques heures après, suite à la pression et à des plaintes auprès de certaines institutions, l'automobile a été récupérée. Une compañera a porté plainte auprès de l'Institut de la jeunesse du district fédéral et a ouvert un dossier auprès de la Commission nationale des droits humains. De son côté, le collectif contre la torture et l'impunité a aussi porté plainte auprès de ces institutions. Nous dénonçons la seule réponse que peut donner le gouvernement du district fédéral face au rejet d'un emprisonnement injuste, la répression. Nous soulignons que le fait de taper ceux qui se déclarent mécontents face aux injustices est une pratique de plus en plus commune et cynique parmi les gouverneurs du PRD, du PRI et du PAN. Nous signalons que l'encerclement qui a eu lieu lors de la manifestation du 2 octobre, au cours de laquelle Victor Herrera a été brutalement frappé, s'est répété durant cette manifestation où nous dénoncions son emprisonnement injuste. Donc c'est signé par le Comité pour la liberté de Victor. Et donc si vous voulez plus d'informations, on vous a donc déjà tout à l'heure signalé libérons-les.wordpress.com. Il y a également des informations que vous pourrez trouver par le biais du CSPCL, donc cspcl.ouvaton.org, également sur Enlace Zapatista. Donc enlacezapatista.ezln.org.mx. Donc on vous invite également donc à participer si vous le souhaitez donc à cette campagne qui a commencé le 30 août et qui se prolongera jusqu'à ce que la juge prononce sa condamnation. Et donc celle-ci devrait normalement être prononcée fin septembre si les temps de procédure sont respectés et que la juge ne les rallonge pas encore une fois. Donc on vous demande, si vous le souhaitez, d'envoyer en informant éventuellement donc, ceux qui donc le comité pour la victoire, pour la libération de Victor, d'envoyer au chef de gouvernement de Mexico, Marcelo Ebrard Casaubon, au président du tribunal supérieur du district fédéral et à la juge, donc les lettres suivantes qui sont donc disponibles si vous vous connectez sur l'un des sites qui vous ont été cités, ou du moins vous retrouverez un lien pour trouver donc sur liberonlet.wordpress.com. Donc ça, c'était pour le cas particulier de Victor Covea. Donc il y a plein d'autres prisonniers politiques, évidemment, et une campagne. Ce qu'on peut mentionner de manière plus générale, c'est de le rappeler, le contexte de la répression qui subissent là. Donc c'est de plus en plus, en fait, au Mexique aussi. Il y a un maintien de, enfin, donc des unités de maintien de l'ordre qui perfectionnent leur technique justement pour réprimer les manifestations, surtout de la jeunesse, et surtout là aussi dans lequel participent pas mal de groupes anarchistes, etc., souvent de jeunes, etc. Et donc il y a une gestion du maintien de l'ordre qui est de plus en plus voilà, parce qu'avant il y avait la figure, en gros, soit d'une police qui savait pas forcément très bien manier ça, soit directement des militaires avec une répression sanglante. Là, aujourd'hui, il faut savoir aussi que les polices, par exemple, de l'État de Mexico, les polices de la capitale, donc du PRD, etc., elles sont formées par la police française aux techniques de maintien de l'ordre qui ont été expérimentées ici. Notamment, tout ce qui est cassage de manifestations, ça veut dire segmentation de la manifestation en plusieurs groupes, notamment ce qui est la désignation de personnes arrêtées de la part de RG infiltrées dans les manifs, notamment les civils dans les manifestations. C'est plein de techniques de maintien de l'ordre qui sont arrivées brutalement là-bas et qui viennent tout droit de la France. Il faut savoir que Sarkozy, quand il était au Mexique l'année dernière, il a vendu donc au maire soi-disant de gauche de Mexico, l'héritier de López Obrador, il a vendu 7000 caméras de surveillance et ça fait partie de la coopération franco-mexicaine. Il n'y a pas eu que le laboratoire pharmaceutique, il y a eu aussi des caméras. Ça fait partie des hélicoptères aussi, des eurocoptères. Donc ça fait partie de la superbe collaboration franco-mexicaine en matière de police, qui est toujours bonne à rappeler parce qu'elle est assez importante et elle se fait au nom de la protection de l'article... des premiers articles des droits de l'homme et du citoyen qui visent à protéger la propriété privée et les droits de l'individu face à la foule. Voilà. Donc c'est à savoir, il y a une grosse, grosse coopération policière de la France au niveau international, pas qu'au Mexique, au niveau international. On fait une petite pause musicale et on continuera en parlant plutôt de ce qui se passe en France. Et donc on parlera justement notamment de Nantes, hein, de l'aéroport international et de tout ce qui se passe autour et depuis. On parlera également de ce qui se passe à Montreuil. Juste avant de passer le morceau de musique, on peut peut-être rapidement parler de ce qui se passe à San Juan Copala, sinon on n'aura pas le temps de tout évoquer. À San Juan Copala, il y a eu un municipio autonome qui a été formé par un peuple triqui. Mais donc c'est plutôt l'organisation Le Multi qui vient d'une organisation Le Moult qui s'est divisée. C'est donc Le Moult et Le Multi ont été divisés. Et donc au jour d'aujourd'hui, les personnes qui ont construit ce municipios autonome il y a déjà plus de 2 ans sont depuis 9 mois encerclées par des paramilitaires, donc dont Le Moult, donc des anciens partenaires, et également un autre groupe, l'Ubisoft. Donc c'est deux groupes de paramilitaires qui donc encerclent et assaillent et agressent et tuent, blessent par balle des femmes de 85 ans, des jeunes femmes, etc. Donc c'est une situation qu'on avait déjà évoquée. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait un tournant. On ne sait pas ce que ça peut donner, mais Il y a deux nouveaux blessés avec une proposition de l'Église pour qu'il y ait un dialogue entre le moult et le multi. Les deux organisations ont répondu favorablement. Dans le même temps, il y a le gouvernement qui, lui, crée une réunion pour essayer de régler le conflit, mais n'invite absolument pas les autorités du municipal autonome qui ne reconnaît donc pas. Donc, on est dans une situation relativement délicate et où, en tous les cas, c'est évidemment cette communauté autonome, ce municipius autonome et donc les personnes qui ont construit, construisent cette autonomie depuis 2 ans, qui sont victimes des agressions perpétuelles et qui sembleraient s'accélèrent là, puisqu'en fait tout le monde est en train de parler de massacre, donc c'est très difficile quand on est loin d'évaluer. En tous les cas, apparemment, il y a une personne qui a été récupérée par la police fédérale, qui a été blessée, qui a été remise à ses agresseurs, donc des choses assez immondes. Et donc, on vous invite à vous tenir au courant et éventuellement vous tenir en contact par Internet ou éventuellement donc, toujours nous venir. S'il faut voir, en fait, pour ceux qui ont un peu suivi la situation à Copala, c'est là on est dans une étape quand même qui est assez grave, dans le sens où il y a eu depuis des mois et des mois un encerclement donc des gens qui avaient essayé de mettre en place l'idée de commune autonome, donc d'un côté avec l'Ubisoft qui est clairement paramilitaire, et de l'autre côté les gens de l'organisation ancienne dans laquelle ils faisaient partie, le Moult, qui eux sont dans une stratégie de parti unique et de lutte électorale à travers un parti qui s'appelle Parti Unité Populaire. Et donc en fait la stratégie de ces deux autres organisations, c'était de faire un siège de la commune. Et là, il y a quelques jours, en fait, les deux groupes ont attaqué le centre de la commune qui était encore aux mains des gens qui avaient construit la commune autonome. Donc ils ont fait une descente massive de voilà. Et donc il y a eu l'attaque en fait du centre, et donc aujourd'hui les gens, il y a des points du bourg central qui ont été repris, et à partir le palais municipal autonome a été repris, et depuis là en fait ils tirent dans les rues, et les gens qui sont encore de la commune autonome sont réfugiés dans leur maison, avec des personnes qui essaient de s'enfuir, d'autres qui résistent. Donc c'est une situation qui est assez catastrophique sur place en ce moment. Donc il y a tous les essais, énormément d'essais qui sont qui sont assez divers pour essayer de sortir de cette situation qui peut dériver sur un massacre d'un moment à l'autre, avec d'un côté des gens qui vont demander que la police intervienne pour calmer, d'autres qui disent qu'il faut que les organisations de la société civile puissent entrer à l'intérieur. Mais en tout cas, la situation, elle est extrêmement critique. La dernière initiative, c'est donc l'Église catholique qui a proposé de faire une espèce de table de discussion pour essayer de d'éviter le bain de sang. En tout cas, la situation, elle est vraiment critique et il faut la suivre. Tous les gens qui ont un peu porté l'oreille à ce qui s'était passé sur Copala, il faut vraiment suivre ce qui se passe dans les prochains jours. Ça va être assez décisif. C'est un tournant qui peut être assez décisif. Voilà. Petite pause musicale alors, et on enchaîne sur ce qui se passe tout près de chez nous. Excusez-nous, on a un petit problème technique. Donc, je vais en profiter pour vous rappeler les petites dates pour que vous notiez sur votre agenda. On a la rôtisserie rue Sainte-Marthe dans le 11e, le 28 septembre. Donc, c'est mardi en 8, dans 8 jours. Donc, vous êtes invités à venir dîner à la rôtisserie en soutien à Radio Kawelga, qui est une radio au Mexique, évidemment. On a également la date du 2 octobre. Si vous voulez venir à la mairie du 11e, il y a les associations, donc on sera présent. Et également le 16 octobre, qui est une journée qu'on organise avec le CSIA au CICP, 21 Terre rue Voltaire. Donc il y aura le CSIA, il y aura le CSPCL et donc l'artisanat et le café, évidemment. Et puis d'autres, les faucheurs et l'artisanat palestinien et des copains qui ont une coopérative d'aliments bio et paysans. Donc c'est le 16 octobre. Donc on peut y aller. Je crois qu'on va repartir sur une petite pause musicale. Presos políticos en una celda por su lucha contra la dictadura. Medida tan injusta como el embargo a Cuba. Me cago en tu censura. Zumbamos a un payaso maricón llamado Ronald. Alors décidément ça va pas passer ce morceau, je crois qu'il faut changer. Donc on va peut-être sinon changer de morceau. Libertad a los mapuches encarcelados por esta falsa democracia. Métanse en el culo los homenajes a tu puta madre patria. Presos políticos en una celda por su lucha contra la dictadura. Medida tan injusta como el embargo a Cuba. Me cago en tu censura. Zumbamos a un payaso maricón llamado Ronald. Money goodbye made in USA dólar. Corran que vamos a dejar la mensa cola. Con todo acá en la calle aunque mis ojos lloran. Zumbamos a un payaso maricón llamado Ronald. Money goodbye made in USA dólar. Corran que vamos a dejar la mensa cola. Con todo acá en la calle aunque mis ojos lloran. Mi espíritu se prende y se defiende ante el caballo traicionero perro con su falso amor a la bandera. Con tu palo a compañeros de tus hijos con violencia los moreteas como sea. Ya sabemos que te mandan, vos venía a funar la marcha por el compañero en cana. Mapuche encarcelado, cadenas made in España. En el sitio de la batalla y es tu bala que no para, que no calla las agallas del que nunca le ha temido a tu metralla. Leyes del asesino que encerraron a ese peña y que ha luchado por su tierra. Pero varios genocidas caminan en las veredas de esta puta impunidad. Vale más aquí el poder de la chequera, por eso que los traidores hoy se venden como perras. Aman a las monedas y venden su alma a Satán por kilos de fajos verdes. Yo escupo rap rebelde, lo aprendí yo de pendejo para expresarme y defenderme. Cultivo rap en Chile siendo libre como Cuba. Pa' que no te queden dudas, mi rap es anti-yuta. Directo y callejero es el impacto a la gran puta. Unidos con hermanos en esta lucha que es justa. Zumbamos a un payaso maricón llamado Ronald. Money goodbye made in USA dólar. Corran que vamos a dejar la mensa cola. Con todo acá en la calle aunque mis ojos lloran. Zumbamos un payaso maricón llamado Ronald. Money goodbye made in USA dólar. Corran que vamos a dejar la mensa cola. Con todo acá en la calle aunque mis ojos lloran. Leyes de aquel tirano dan la mano al comercio de los derechos. Por eso que saco pecho en esta lucha contra este puto sistema que encadena y te condena a jóvenes de población. Como la discriminación con ese libre mercado te negarán la educación. Más un gobierno cagón que le teme a los empresarios. Permiten que la paz de la ignorancia ya aniquile en cuanto barrio. Por eso yo considero que esta lucha sí que vale. Yo no necesito jales, pertenezco a un movimiento. Es imposible que lo paren, ya salen de mi boca letras que no van al party. Si un paco nos ataca, bien se cobra con demanes. Obvio que me encapucho, porque esta ley fascista protegía a los muy cafichas animales. Dedico un pato Yañez pa' todos los caballos que abusaron de pendejos escolares. Hermano, que esta lucha nunca pare. Zumbamos un payaso maricón llamado Ronald. Money goodbye made in USA dólar. Corran que vamos a dejar la mensa cola. Con todo acá en la calle, aunque mis ojos lloran. Zumbamos un payaso maricón llamado Ronald. Money goodbye made in USA dólar. Corran que vamos a dejar la mensa cola. Con todo acá en la calle, aunque mis ojos lloran. Vous êtes sur 106.3, Fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes avec le CSPCL. Donc on est ensemble 20 petites minutes encore, ça va être très court, mais on va essayer quand même de parler de ce qui se passe donc à Nantes et de la construction de l'aéroport et de toutes les mobilisations qu'il y a autour et des projets qui se sont développés justement à cette occasion, si tu veux bien en parler, Edwin. Et on... Ouais, donc voilà, bon, on voulait parler de ça. Après... Et après, faire une dernière session aussi pour parler un peu de ce qui s'est passé avec les Roms. Bon, l'idée, de manière générale, au comité, je pense qu'on essaye de manière générale de faire aussi un peu des ponts, etc. Entre, voilà, de voir entre aussi les luttes. Entre les luttes, de voir un peu aussi ce qui se passe ici pour pouvoir le relayer là-bas. Et donc, bah voilà, j'en profite aussi pour le redire et faire un appel, effectivement, hein, si nous, on est toujours aussi intéressés pour essayer d'aider comme on peut à, en fonction de notre temps, de notre disponibilité, de tout ça, de pouvoir relayer un peu des luttes qui se passent ici, pouvoir faire le pont avec des choses qui se passent là-bas. Et, Et sujet... donc j'en profite justement pour dire que justement, s'il y a des gens qui ont envie de parler de quelque chose, d'une lutte qui y mène et qu'ils n'ont pas d'espace, la jungle des luttes est aussi cet espace-là, notre programme là, qui effectivement n'est que mensuel, mais c'est ouvert à toutes les personnes qui ont des luttes qui sont en résonance avec ce qu'est notre comité et les engagements qu'on a et les positions justement par rapport à tous ces grands projets justement, n'importe quelle lutte. Yep. Voilà, et donc dans cette idée, quelques personnes, on avait un peu suivi ce qui s'était passé avec des copains un peu à Notre-Dame-des-Landes. Bon, certains de ceux qui écoutent, on a tellement parlé d'Atenco que je pense Mexique, tout le monde voilà, l'aéroport c'est international. Contre l'aéroport et donc la victoire qu'il y a eu, la répression qu'il y a eu, la libération des prisonniers qu'il y a eu, etc. Bon, à Nantes aussi, depuis longtemps, il y a des projets d'aéroport et donc il y a des initiatives qui s'étaient montées pour résister justement à ce projet-là, pour continuer à garder les terres paysannes, agricoles sur place. Et donc avec un mouvement qui s'était fait petit à petit de festival l'été, de résistance et puis ensuite d'occupation de terrain aussi pour résister à ces projets et donc contester la politique de la ville de Nantes qui se dit de développement durable, etc. et de contester ces projets d'aéroport haute qualité environnementale qu'ils veulent faire sur place. HQ. À côté avec des copains qui font partie d'une revue qui s'appelle Z, on avait essayé aussi d'aller sur place, d'aller discuter, rencontrer. Bon, on en a profité aussi pour faire notamment des projections sur Atenco, dans le bourg local, de faire des discussions par rapport à ce qui se passait. Et de creuser un peu tout ça. Bon, de creuser un peu tout ça et essayer aussi de pouvoir faire la passerelle en essayant de faire des traductions en espagnol aussi pour pouvoir diffuser au Mexique ce qui se passe. Voilà, cet été, ça s'est un peu accéléré parce que du coup, du côté de l'aéroport, en fait, la construction a été attribuée à un concessionnaire à Vinci. Donc, Vinci, qu'énormément de gens ont déjà vu. C'est le gros aménageur, bétonneur d'autoroute, de parking, d'énormes infrastructures comme ça. Et donc, toutes les maisons qui étaient sur le terrain, qui étaient occupées ou en bail, ont reçu des avis d'expulsion. Donc, la situation, elle se durcit sur place. Et donc, c'était en profiter pour donner une petite résonance à ce qui se passe là-bas. De l'émission, dire que à Notre-Dame-des-Landes, donc du coup il y a des choses qui s'organisent pour essayer de résister à ces expulsions. On aura l'occasion sûrement d'en annoncer d'autres, d'annoncer justement des initiatives d'information là-dessus, notamment région parisienne, autour de la sortie d'un numéro spécial d'une revue qu'on a fait là-dessus, un peu sur Notre-Dame-des-Landes, sur ce qui se joue sur la place. La revue Z, donc, justement. Voilà, et puis pour essayer de pouvoir aider au soutien, à la solidarité avec ce qui se passe là-bas. et peut-être aussi réfléchir à toutes ces problématiques de justement d'infrastructures, d'énormes projets qui se revendiquent écologiques, mais qui sont juste une nouvelle couche de peinture pour imposer des nouvelles infrastructures industrielles, capitalistes. Et donc une logique qui se retrouve à la fois ici en Europe et à la fois notamment au Mexique. Beaucoup de gens ont peut-être suivi un peu que donc l'année dernière il y avait eu justement des grands contre-sommets autour de Copenhague contre les espèces de réunions de puissants autour du changement climatique en contestant justement tous ces projets de développement durable, etc., de fausses solutions par rapport au climat, etc., pour dire que le problème c'était d'abord le système avant d'être un problème de mesures adoptées, c'était d'abord un problème du système capitaliste et donc mettre en lien un peu les véritables luttes sociales, les véritables résistances écologistes et pas le vernis de discours bureaucratique de développement durable qui se met en place. Et donc il faut savoir que le prochain grand sommet sur le climat au niveau mondial va se tenir en fait à Cancun au Mexique fin novembre, début décembre. Donc avec tous les États du monde entier qui vont se réunir là-bas pour discuter du changement climatique, etc. Et parallèlement, donc les organisations sociales mexicaines, notamment, qui sont confrontées à des projets comme Atenco, à des projets de barrages hydroélectriques, à des projets de mines, à des projets de tourisme vert, etc., vont se retrouver là-bas pour dénoncer cette hypocrisie, essayer de se mettre en lien, en réseau. Donc voilà, on va essayer aussi de voir dans quelle mesure on peut faire des passerelles. Là aussi, s'il y a des personnes qui ici suivent un peu ces luttes-là, que ce soit les camps climat, si c'est passé à Copenhague et qui voudraient des liens avec le Mexique, on peut aider là-dessus, on peut se mettre en relation. Donc ça va être fin novembre, début décembre. Donc s'il y a des personnes qui ont besoin d'avis, de conseils, de discussions, la porte est ouverte aussi au comité. Oui, sachant que nous aussi, on serait contents éventuellement de pouvoir partager, puisqu'on a tous parfois un besoin d'échanger des informations. Donc là, la revue Z, c'est le numéro 4. Comme il est humble, Edwin, il n'en parle pas trop. Mais peut-être que tu aurais pu donner des informations pour savoir... Pour les gens qui ne connaissent pas la revue Z, qui est une jolie, belle revue, où on peut la trouver peut-être, ou donner des informations pour les gens qui veulent s'intéresser de plus près pour avoir des contacts avec les copains de Nantes, de la région, si tu as 2-3-1. Ouais, pour la revue Z, y a un site, c'est www.zite.fr. Et après, elle est distribuée dans les librairies et les librairies militantes, donc voilà, vous la verrez et on aura peut-être vous en entendrez parler et pour les gens de Notre-Dame-des-Landes ils sont très très mal outillés au niveau informatique, etc., parce qu'ils ont un campement sur place, mais il y a un campement notamment un des campements principaux qui se trouve à un lieu dit qui s'appelle Les Planchettes vers Notre-Dame-des-Landes. Je pense que le meilleur moyen de se tenir au courant, c'est sur Indymedia Nantes, de ce qui se passe là-bas. Et puis bientôt, à fin septembre, début octobre, vous entendrez sûrement parler de réunions publiques. Donc voilà, c'était l'occasion un peu de lancer la perche dans cette direction. Et puis on en reparlera sûrement une prochaine fois. Voilà. Et donc, il y avait autre chose que tu voulais partager avec nous. On a 5 minutes pour en parler. Ça va être un petit peu court, mais ça vaut le coup de faire passer le message sur Montreuil, ce qui se passe, comme il s'en passe toujours. Ouais, après c'était c'est vrai que on était un peu dans l'urgence et des fois c'est pas facile, mais c'est vrai que on s'était dit que c'était intéressant de revenir sur tout ce qui s'était passé par rapport au Rhum cet été, qui ne nous a pas laissé indifférents aussi, où les compas aussi au Mexique des fois nous ont demandé des nouvelles de ce qui s'était passé au niveau de la répression des Roms en France. Et voilà, la répression contre tous les campements, d'ailleurs c'est pas que c'est tous les campements établis et donc il y a une énorme pression que ça soit sur les campements de Rome mais aussi sur les campements de gens du voyage qui ont été mis, dont tout le monde dans la même catégorie avec toute une série d'amalgames, etc. Mais en tout cas voilà, on voulait marquer notre solidarité avec les gens qui essaient de résister aux expulsions, qu'elles soient expulsions en Roumanie ou qu'elles soient expulsions de campement, parce qu'il faut savoir qu'au-delà de la campagne médiatique du gouvernement, les expulsions locatives, enfin les expulsions de campement de Rome sont aussi bien le fait de la droite que de la gauche dans plein de villes, et notamment à Montreuil de la part de la mairie verte, comme ça a pu se passer. Notamment voilà, dans toute une série de villes, que ça soit à Dijon, à Lille, à Nantes, où les campements sont expulsés. Et s'il y a un sursaut de réaction par rapport à ça, c'est tant mieux, parce que c'est souvent les derniers, ils sont souvent en marge d'un peu tout le monde, et les campements sont souvent relativement isolés. Alors à Montreuil, ils ont réussi plus ou moins à éviter d'être dispersés dans la nature parce qu'il y a des gens qui luttent solidairement à leur côté, mais voilà, ça reste toujours des associations qui les aident, avec une mairie qui s'engage sur rien de définitif. Alors, ils ont été accueillis à la Parole Errante. Là, ils sont toujours à la Parole Errante, un lieu où on a organisé souvent le CSPCL des rencontres. Des rencontres de solidarité. Donc là, pour l'instant, bah, y a donc une maison, enfin donc une dizaine de familles qui sont hébergées là-bas, et encore une fois, c'est les associations qui sont solidaires quand les partis politiques, les mairies, etc. Laissent tomber, voilà, parce que ils ont pas, ils préfèrent construire des éco-quartiers que de laisser les pauvres vivre en paix sur des friches là où elles essaient de s'organiser tant bien que mal pour pouvoir survivre. Ouais, c'est ça, on compte pas beaucoup, nous, les gens, les habitants, les hommes, les femmes. On va bientôt se quitter avec, comme d'habitude, notre petite musique de fin, là, c'est l'hymne Zapatiste. Il y en a plein de versions, donc je ne sais pas laquelle nous prépare Sotil. Et par contre, je vous rappelle que tous les mercredis, vous pouvez donc retrouver, nous rencontrer, nous, le CSPCL, à 20h30, 33 rue des Vignoles, métro Avron, dans les locaux de la CNT, donc c'est assemblée ouverte, avec Auberge Espagnole le mercredi, le premier mercredi du mois. Et il y a la date de la rôtisserie, je l'ai dit, le 28 septembre, mais je le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas écouté, le 2 octobre à la mairie du 11e, en après-midi, les associations sont invitées à la mairie du 11e à exposer, à avoir une table, on y sera. Il y a également la date du 16 octobre où on sera au CICP, au 21 Terre rue Voltaire, avec le CSIA, où on organise un après-midi avec des tables, donc du CSIA, du CSPCL, et donc Échange solidaire, notamment, puisque c'est Échange solidaire qui s'occupe de l'importation du café Zapatiste et d'un certain nombre d'artisanats. Et le soir, il y aura un repas de solidarité avec le CSIA. Donc voilà, vous nous retrouvez le troisième lundi du mois d'octobre, de 19h à 20h30. On est retransmis le jeudi matin. On vous remercie de nous écouter. On remercie les invités, Xavier et puis Edwin qui était là avec nous, et Sotil à la technique, et puis AFPP de nous accueillir depuis quelques temps maintenant. À très bientôt, bonne soirée, et on finit avec l'hymne Zapatiste. Salut.